Incarcéré, je chante les vérités que l'État veut enterrer dans la solitude des peines et des drames carcéraux. Chaque lettre est une évasion, les mots peuvent scier les barreaux. Réconfort des parloirs et dialogue des courriers. Un homme emprisonné, c'est une famille déchirée. Pris sans être vu ou bien vu et pris. Tous sont traités comme des coupables et paient le prix. Une fois de l'autre côté du mur, tes projets s'écroulent, tu passes ton temps à attendre que le temps s'écoule. Et vu que le temps a tout le temps, faut le tuer pour l'ignorer. Tu comptes à rebours les jours qui te restent à évaporer. Les aiguilles sont comme figées, ta vie se réduit à l'attente. Au fond du jour compte, celui où tu sors, celui où tu entres, entre. Mais tous les jours se ressemblent, tout tourne en boucle et se répète comme un vieux sample. Tourmenté par les remords car tu fais pleurer la mama. Tu sais comme Maïdji, elle voudrait no more drama. Si les sentiments le pouvaient, son amour te ferait évader. Tu cherches une raison pour te ranger, tu n'as qu'à la regarder. Au milieu des loups, tu ne peux afficher tes faiblesses. Tu marches la tête haute, même quand ton cœur est en détresse. Le maton te guette, tu dois te cacher pour pleurer. T'accrocher à la raison quand la folie vient t'effleurer. Pour tous les frères incarcérés, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Alors j'écris un truc pour tous les frères incarcérés. Je chante les vérités que l'État veut enterrer. Au pays des droits de l'homme, vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Surpeuplées sont les prisons. Vu la répression, peu de solutions à l'horizon. Au pays des droits de l'homme et du folklore des libertés, la prison est un cimetière où vient crever la dignité. Les cellules sont asphyxiées par la promiscuité. Aux portes des maisons d'arrêt, tu laisses aussi ton intimité. L'honneur fouillé au corps, la fierté mise à nu, forcé de faire tes besoins sous les yeux de ton co-détenu. Détenu pour autre personne, si ce n'est un matricule. Un corps sans âme dans une cellule qui gesticule. Chaque humiliation éloigne ta réinsertion. Tu rêves de leur faire payer pour leur manque de compassion. À deux dans 9 mètres carrés, sinistre et mal éclairé. L'hiver t'es congelé tandis que l'été t'es à deux doigts d'étouffer. Pas de tranquillité, le bruit est constant. Ça crie, ça hurle à chacun son moment pour péter un plomb. Ils font trébucher ton équilibre. Ta cellule est une tombe à laquelle tu dois survivre. Pas de place pour les faibles, défends-toi ou crève. Vis le cauchemar d'une société qui rêve. Pour tous les frères incarcérés, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Alors j'écris un truc pour tous les frères incarcérés. Je chante les vérités que l'État veut enterrer. Au pays des droits de l'homme, vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. 22h sur 24. Cellule, c'est barreau. Ta vue sur le monde est troublée par les barreaux. Au pays des droits de l'homme et de toutes les contradictions, les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon. 22h sur 24, cellule, c'est barreau. Ta vue sur le monde est troublée par les barreaux. Au pays des droits de l'homme et de toutes les contradictions, les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon. C'est réel, c'est réel. Ce qui mérite, c'est les entendre oser dire qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais comme chacun d'entre nous ignore de quoi sera fait demain, au pays des droits de l'homme, peut-on les traiter en être humain?